الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامات الساعة الكبرى فمنها أيها المؤمنون ظهور المهدي ظهور المهدي في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي فاسم المهدي محمد بن عبد الله أو يحتمل أن يكون أحمد يظهره الله سبحانه وتعالى يظهر الله سبحانه وتعالى على يديه الخير الكثير والعدل في زمانه يكثر الخير والمال ومن هو من ذرية الحسن رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب خروجه أو ظهوره من قبل المشرق كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر أمتي المهدي سيبقيه الله سبحانه وتعالى. الحديث الأمر الثاني أيها المؤمنون الأمر الثاني من علامات الساعة الكبرى أيها المؤمنون خروج المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض 40 يوما، وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالباطل ولكثرة كذبه وتلبيسه على الناس. أما صفاته جاءت كثيرة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو رجل من بني آدم، شاب قصير جعد الرأس ممسوح العين اليمنى، وفي اليسرى لحمه، فمنظره قبيح جدا مكتوب بين عينيه كافر أو كاف فا وراء. كل مسلم يقرأه، الكاتب وغير الكاتب، وهو عقيم لا يولد له، وقد منعه الله سبحانه وتعالى من دخول مكة والمدينة. يخرج من جهة المشرق من خراسان ومعه جنة ومعه نار، وجنته نار في الحقيقة وناره جنة في الحقيقة. يأمر بالسماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، تتبعه الكنوز أي كنوز الأرض، وينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة. ومما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن رجلا مؤمنا يخرج إليه فيقول للدجال: أنت الكذاب الأعور الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله الدجال يشقه قطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. يقول له: قم، بعد أن قتله فيستوي قائما، ثم يقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. هكذا يثبت الله الذين آمنوا عند ظهور المسيح الدجال. فهي فتنة عظيمة وبلاء عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى بعض الأسباب التي بها نتحصن من فتنة المسيح الدجال، كالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من فتنته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فهكذا ينبغي لكل مسلم دبر كل صلاة أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه السلام. بعد إفساد عظيم من المسيح الدجال ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ومن لم يؤمن حينئذ ووجد ريحه مات من ساعته. فيجتمع عليه المسلمون الطائفة المنصورة، ويحكم عيسى عليه السلام بشرعنا أهل الإسلام. وفي زمانه يكثر الخير ويكثر المال وتكثر المطر. قال الله سبحانه: وإنه لعلم للساعة. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هو خروج عيسى بن مريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، le prophète صلى الله عليه وسلم nous a certes informé que personne n'a connaissance de l'heure de la fin du monde si ce n'est Allah Azza wa Jal. Néanmoins, il nous a aussi dit que précédera l'avènement de l'heure 10 grands signes qui sont appelés les grands signes de la fin du monde. Parmi ces grands signes, il y a l'apparition de l'Mahdi. C'est un homme pieux de la descendance de l'Hassan, fils de Ali et Fatima radiallahu anhum. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit à son sujet: son prénom est semblable au mien et le prénom de son père est semblable au mien. Il s'appelle donc Muhammad ibn Abdillah. Ou c'est possible que son prénom soit Ahmed, du fait que le prophète alayhi salat wa salam ait plusieurs prénoms. À son époque, il y aura la justice, il y aura beaucoup de biens et beaucoup de richesses. Il mettra l'équité et la propagera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique d'où il viendra, quel sera son comportement et quelle est sa généalogie. Allah subhanahu wa ta'ala le fera donc apparaître vers la fin des temps. Il le fera apparaître vers la fin des temps et il y aura beaucoup de prospérité et de bien à son époque. Parmi les signes de la fin du monde, il y a l'apparition de l'Messie Ad-Dajjal, qu'ils appellent l'Antéchrist ou le Borgne. C'est la plus grande épreuve qui aura lieu, et cela de l'époque de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas pire trouble que le Messie Ad-Dajjal. C'est pour cela que chaque prophète a averti son peuple, chaque messager a averti son peuple, afin qu'il soit sur ses gardes devant ce grand trouble qu'est le Messie Ad-Dajjal. Il a un œil borgne, et son autre œil, l'œil gauche, comporte une excroissance. Il y a comme un bout de chair à l'intérieur. Donc l'œil droit et l'œil gauche sont déficients. Il prétendra être notre Seigneur et il possédera certaines choses extraordinaires. Par exemple, il ordonnera à la pluie de tomber et elle tombera. Il ordonnera aux cultures de pousser, elles pousseront. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a décrit. Il fait partie de la descendance de Adam, c'est donc un être humain, un homme. Il a beaucoup de cheveux, il est petit de taille et il a une apparence très laide. Entre ses deux yeux, il y a l'inscription Kaf, ou plutôt Kafir. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Al-Kazzab, il l'a appelé Al-Masih, il l'a appelé Al-Dajjal, car il va montrer le faux comme étant le vrai. Il trompera les gens. Il y aura avec lui un paradis et un enfer. Mais en réalité, son paradis sera un enfer et son enfer sera un paradis. Il va sortir dans la fin des temps. Il va sortir dans la fin des temps et la plupart des habitants de la terre vont le suivre. Lorsqu'il passera par un endroit, il emportera avec lui l'ensemble des richesses. Et parmi ce dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'aura pas la capacité d'entrer à Médine, ni la capacité d'entrer à Mecca, car il y a des gardiens aux portes. Ce sont des anges qu'Allah azza wa jal a chargés de cela. C'est alors qu'un homme, un jeune parmi les croyants, sortira vers lui. Al-Masih ad-Dajjal lui dira: est-ce que tu as foi en moi? Reconnais-tu que je suis ton Seigneur? Il dira: non, mais tu es le menteur au sujet duquel nous avait parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es le menteur dont nous avait parlé le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va se saisir de lui. Ad-Dajjal va l'attraper, il va l'assassiner, le couper en deux. Puis il dira aux gens: si je le ressuscite, aurez-vous foi en moi? Ils diront oui. Alors il va lui dire: Koum, lève-toi. Et cet homme va se relever. Puis il va lui dire: est-ce que tu crois en moi désormais? Il lui dira: non, cela n'a fait qu'ajouter à ma certitude. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal va raffermir cet homme parmi les croyants. C'est un grand trouble et il sera suivi par la plupart des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas laissé sans protection, mais il nous a informé qu'il y avait le moyen de nous prémunir contre son trouble. Il nous a cité par exemple à la fin de chaque prière, avant le taslim, le fait de chercher protection auprès d'Allah contre le mal de Al-Masih Ad-Dajjal. Ainsi, après Al-Tashahud, Al-Akhir et Al-Salat Al-Ibrahimiyya, cherche refuge auprès d'Allah contre le trouble et le mal de Al-Masih Ad-Dajjal. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: celui qui mémorise les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, cela lui sera une préservation contre Al-Masih Ad-Dajjal, comme l'a rapporté l'imam Muslim, et d'autres causes encore. Comme le fait d'habiter à Médine ou le fait d'habiter à Mecca avec une foi ferme. Ceci est une préservation contre le trouble d'Al-Masih Ad-Dajjal. Et il sera anéanti lors de la descente de Isa ibn Maryam. Et ceci nous amène au troisième signe, au troisième grand signe de la fin du monde. C'est la descente de Isa ibn Maryam. Car Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que Isa n'est pas mort. Il n'a pas été assassiné, il n'a pas été crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Et à la fin des temps, Isa, le messager d'Allah, le fils de Maryam, radiallahu anha, descendra et il mettra en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il descendra auprès du minaret blanc. Il descendra auprès du minaret blanc. Et son apparence, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera qu'il se tiendra aux ailes de deux anges lors de sa descente. Toute personne qui n'avait pas eu foi à ce moment-là et qui sentira son odeur, qui sent à vue d'œil, à portée d'œil, décédera. Les croyants se réuniront autour de lui. Les croyants se réuniront autour de lui. Puis l'heure de la prière viendra et on lui dira de présider la prière, mais il dira « Imamukum minkum ». Votre imam fait partie des vôtres. Votre imam fait partie des vôtres. À son époque, il y aura la justice. Il y aura beaucoup de richesses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Ibn Abbas explique ce verset en disant, parmi ce signe, il nous dit que c'est la descente ou la sortie de Isa, fils de Maryam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il s'en faut de peu pour que Isa, fils de Maryam, descende. Donc voici un des grands signes de la fin du monde. Il descendra avec la justice et avec l'équité. Et pour finir, le quatrième point, le quatrième grand signe de la fin du monde, la sortie de Gog et Magog, ces deux peuples qui sèment le trouble et qui ont une grande force. Personne n'arrivera à les combattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala accordera ou bien orientera Isa ibn Maryam. Les croyants seront avec Isa ibn Maryam. Allah Azza wa Jal lui ordonnera de préserver les croyants sur le mont At-Tur. Alors ils iront ensemble au mont At-Tur. Et ils sont déjà vivants à notre époque, Ya'juj wa Ma'juj. Mais comme cela nous a été relaté dans le Coran, Dhul Qarnayn, suite à la demande de ce peuple, a bâti une construction afin de les enfermer. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal leur permettra de sortir, ils sortiront. Allah nous dit dans le Coran, Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Ils sont un nombre très nombreux. Et ils sont un grand nombre, ils seront un grand nombre en enfer. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam nous a dit dans le hadith, le jour de la résurrection, Allah ordonnera à Adam de sortir la part de sa descendance qui ira en enfer. Alors Adam dira, quelle est cette part, ô Seigneur? Allah Azza wa Jal lui dira, de chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer. De chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer. Alors les compagnons ont été pris de peur et ont dit, qui sera celui-ci parmi nous, au messager d'Allah? Il leur a dit, tranquillisez-vous, sur 1000 ou bien sûr pour une personne d'entre vous, il y en aura 1000 parmi Ya'juj et Ma'juj. Ce sont donc des hommes de la descendance de Adam alayhi salam. Ils vont semer le trouble. Ils vont semer le trouble et combattre les habitants de la terre. Et lorsqu'ils auront fini avec la plupart des habitants de l'enfer, ils diront, venons, ou bien venez, allons-nous, ou bien allons découdre maintenant avec les habitants des cieux. Ils vont prendre leurs armes, et ils vont tirer des flèches vers le ciel. Et comme tentation, lorsque leurs flèches vont retomber, il y aura du sang. Alors ils vont penser avoir tué également les habitants des cieux. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur eux un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur eux un châtiment et ils seront tous morts. Voici les quatre premiers signes de la fin du monde et la semaine. Et prochainement, inshallah ta'ala, on étudiera les six signes restants. On demande à Allah Azza wa Jal nous accorder fermeté et endurance dans notre religion et d'être préservé afin de ne pas être tenté par tous ces troubles tels que le trouble de Messie al-Dajjal. أعاذنا الله وإياكم من شر فتنته اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين